Je me souviens du temps où toi et moi nous égayions les champs de nos rires d'enfants. C'était le temps charmant de nos jeunes printemps. Tu grimais mon visage avec comme fusain les myrtilles sauvages et je ne disais rien. Puis vint le jour si doux contre l'arbre sacré, tu es resté caché. Tu ne voulais plus jouer, tu m'as regardé avec tes yeux tout neufs comme tu ne l'as jamais fait. Je me souviens du temps où toi et moi nous égayions les champs de nos rires d'enfants. C'était le temps charmant de nos jeunes printemps. J'ai observé ton corps, il avait bien changé. Tes jambes s'étaient galbées, tes hanches avaient forci. Dans ton décolleté, une ombre avait glissé. J'ai senti en moi descendre un grand émoi, car tu m'es apparu dans ta féminité comme une fleur nouvelle. Je me souviens du temps où toi et moi nous égayions les champs de nos rires d'enfants. C'était le temps charmant de nos jeunes printemps. Sur un de tes beaux seins tu as posé ma main, il était doux et chaud et j'eus comme un vertige. Parmi les fleurs sauvages, en me serrant très fort, tu as poussé ton cri. Et j'ai cru un instant que je t'avais meurtri avant de lire en toi le bien joli message. Je me souviens du temps où toi et moi nous égayions les champs de nos rires d'enfants. C'était le temps charmant de nos jeunes printemps. Et j'ai compris alors qu'était venu le temps de fermer le livre de notre adolescence, Annie glissant dedans la fleur gardée par toi, et qu'un jour en passant l'amour m'avait offerte, est-elle un talisman pour traverser le temps comme de grands amants.